C'est à la croix qu'on l'a immolé. Pour mes péchés, son corps fut brisé. Il a donné sa vie pour me sauver. Pour mes péchés, son sang fut versé. Père miséricordieux, ô Dieu d'amour, reçois mon cœur pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est à la croix qu'on t'avait maudit, pour qu'à jamais moi je sois béni. Tu m'as franchi, tu m'as donné ta vie, pour que je demeure dans tes parvis. Que tu as vaincu les princes de l'air, tous les anges déchus. Dieu tout-puissant, il n'y a que toi, Jésus. Reçois la gloire, l'honneur qui t'est dû. Père miséricordieux.